Pérégrination laborieuse. Faustine possède-t-elle réellement cette maturité lui permettant de réagir ainsi aux infidélités de Maxime? Cela semble plutôt inhabituel. Ceux qui l'ont côtoyée à cette époque diraient qu'il y a chez elle, comme chez beaucoup de jeunes femmes de sa génération, un certain amalgame entre les allégations maternelles stéréotypées « un homme ne change jamais, le prince charmant n'existe pas, le sexe ce n'est que ça, surtout ne pas dépendre d'un homme » et une culture plus ou moins importante mais morcelée due à ses lectures hétéroclites. Balzac, Bazin, Buck, les histoires de Scheherazade mais aussi et surtout Steinbeck, Terrible Kate de Alastair Dedden, Somerset Maugham, Servitude humaine, Charlotte Brontë avec Jane Eyre, Vladimir Nabokov, Lolita, Crime et châtiment de Fyodor Dostoïevski. Des auteurs qui l'ont beaucoup marqué, même s'il lut trop tôt, trop vite, elle les a souvent mal digérés. Elle y a appréhendé les traitements réservés à la femme des 18e et 19e siècles, entre autres, et les armes dont celle-ci use et abuse pour se défendre. Mariez-vous très cher, peu importe avec qui, tant qu'il peut subvenir à vos besoins. Après, vous mènerez la vie qui vous plaira en toute impunité. En outre, on se souvient que Faustine a conclu ce pacte avec elle-même de ne jamais tomber dans le piège de la jalousie, lorsqu'elle a compris qu'elle ne supplanterait pas son frère dans le cœur de ses parents. À cette époque, Faustine est convaincue que si un homme ne lui est pas fidèle, c'est qu'elle n'a pas su y faire, qu'elle est seule responsable. Elle a retenu qu'aimer l'autre suffisamment pour le rendre libre dans tous les domaines est la manière la plus efficace de se l'attacher. Elle a adopté ce dicton. Si tu veux que ton amant le reste longtemps, éloigne-le de toi. Maman, si prompte au mépris, lui a fait croire, ou tout le moins comprendre, que l'homme est l'ennemi, qu'on ne peut définitivement pas lui faire confiance. Ce que confirme en quelque sorte Benoît Coult avec son « Ainsi soit-elle ». D'autres livres prônent une femme libre, solidaire de ses pareils, mais sachant cultiver ses singularités. Faustine se veut affranchie, indépendante, autonome. Bien d'autres femmes ont tracé le chemin, dont beaucoup sans plus d'instruction. Elle ne voit pas ce qui l'en empêcherait. En tout cas pas sa féminitude. Peut-être aussi qu'enfant délaissé, toujours à l'affût du moindre geste appréciatif, Faustine a bien appris à lire entre les lignes, à percevoir ce qui pourrait la rendre aimable aux yeux de l'autre. La jeune femme s'applique à ne pas faire le jeu de Paul Valéry qui proclame pour la plus grande joie de son beau-frère. Il y a trois sortes de femmes, les emmerdeuses, les emmerdantes et les emmerderesses. Fin août, Faustine revoit Mademoiselle Jeanne une dernière fois pour recevoir son salaire. Elle a refusé de rester plus longtemps, ainsi que de revenir l'été prochain, au motif qu'elle préfère faire autre chose de sa vie. L'enveloppe est légère et la demoiselle ne peut s'empêcher de faire part de sa déception. Elle s'attendait à plus de sérieux de la part d'une Suissesse. Faustine n'en a cure qui, déjà, pense à la bouteille de champagne qu'elle va s'offrir. Pauvre Maxime. Heureusement qu'il n'y a pas de loyer à payer pour le mois d'août. S'il attendait de l'aide, il serait bien en peine. Ils sont allés visiter cet appartement meublé annoncé dans le journal. La rue Pierre-Leroux est sombre. Le logis au deuxième étage ne voit jamais la lumière du soleil. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent s'offrir. Et surtout, il n'y a pas d'énorme caution à verser. Le quartier, par contre, est sympa, vivant et animé. Au bout de la rue de Sèvres, on tombe sur le Bon Marché, magasin extraordinaire, dont Faustine a beaucoup entendu parler. En face se trouve l'hôtel Lutetia, construit à l'origine par la propriétaire du Bon Marché pour y recevoir ses plus riches clients. Voilà un endroit qui fait partie intégrante de l'histoire. Non seulement Albert Cohen y a écrit son « Belle du Seigneur », mais Charles de Gaulle y aurait passé sa nuit de noces avec tante Yvonne. Le Lutetia acquit une sinistre réputation en devenant, en 1940, le quartier général de l'Abwehr, le service de renseignement et de contre-espionnage allemand. Après la libération, l'hôtel accueillit les rescapés des camps de concentration. En visitant les lieux, Faustine y superposera avec émotion des images de films rappelant des désillusions cruelles ou au contraire des retrouvailles miraculeuses. Pour l'instant, Faustine emménage dans le 7e. Maxime et elle ont nettoyé et quitté la rue de Longchamp juste avant que leurs amis Carl et Julie réintègrent leur domicile. Le temps a manqué pour partager un repas à quatre. Par contre, Maxime a fait livrer à son ami une caisse de vin millésimé afin de remercier sa générosité. Ils ne tarderont pas à se croiser, clarinette à la main. Dans le nouveau logis, Faustine fait contre mauvaise fortune bon cœur. Quelle différence par rapport à la rue de Longchamp. Face à la porte d'entrée se trouve une salle de bain borgne, juste à côté de la cuisine, pareillement sombre, dont l'équipement est plus que chiche. La seule fenêtre du meublé est celle de la chambre à coucher salon salle à manger, donnant sur la rue. Le dernier locataire, un Asiatique, si l'on considère les cheveux noirs typiques qu'il a laissés partout, n'était pas féru de ménage. C'est le moins qu'on puisse dire. L'endroit est d'une saleté repoussante. Il faudra plusieurs jours à la jeune femme pour lui rendre une apparence correcte, depuis les sols jusqu'à l'intérieur des placards. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Sitôt que nous le pourrons, nous chercherons autre chose. J'ai mon idée. Fais-moi confiance. Oui, si je trouve du travail, on pourra s'offrir mieux. Ça ne sera pas difficile. Un soir, le couple rend visite à Mireille, cette amie que Maxime a rencontrée alors que Faustine était encore à Grasse et dont il lui a vanté les mérites. Ils se rendent rue Rosenwald dans le 15e arrondissement. C'est un petit immeuble sans prétention mais propre, juste en face d'un bistrot tenu par des Algériens. Des effluves de merguez et de moutons grillés parfument toute la rue en cette fin d'été. Ça ouvre l'appétit. Mireille vit dans un studio minuscule avec une salle de bain rikiki et une kitchenette ouverte. L'unique pièce contient une table ronde et un lit immense juste sous la fenêtre. Mireille a beaucoup de chance. Elle a acheté cet appartement en viager 20 ans plus tôt et elle n'a dû payer que 2 ans de loyer. Elle raconte tout cela avec son humour contagieux devant une délicieuse blanquette cuisinée par elle-même. Quand elle leur a ouvert la porte, Faustine a été presque choquée, sachant qu'ils ont couché ensemble une ou deux fois, de constater que sa rivale est du même âge que Maxime. C'est sûr, elle ne le fait pas. Faustine comprend très bien comment elle a pu séduire son homme avec son sourire ravageur, sa simplicité, sa gentillesse surtout, et ses dons évidents d'empathie. Plus tard, dans la soirée, Maxime les laisse en seul un moment et doit changer sa voiture de place. Mireille confiera à sa jeune invitée qu'elle ne savait pas que son homme était pris quand elle s'est laissée séduire. Sinon, elle n'aurait jamais accepté qu'il trompe Faustine, dont elle aimerait bien devenir l'amie. La nuit est bien avancée quand le trio se sépare. Faustine en sait un peu plus long désormais sur les déboires des travailleurs sociaux dans la France de 1978, ainsi que sur la vie passablement agitée de sa nouvelle amie. Mireille est le genre de personne qui joint l'humour à la lucidité. L'autre jour, dans un bistrot de la rue des Saints-Pères, elle a carrément sorti 1 centimètre de couturière de son sac à main, tant elle en avait marre des vantardises de ces messieurs sans leurs précieux attributs. Elle les a défiés d'en mesurer la taille sur le champ. Bien sûr, ils se sont tous dégonflés. Au lendemain de cette soirée mémorable, Faustine épluche les petites annonces. Ne souhaitant plus travailler dans la couture, une expérience a suffi, merci, elle dirige ses recherches dans le secteur des employés de maison, dans l'espoir qu'une bonne âme acceptera de lui procurer un permis de travail. S'il n'a pas été difficile d'obtenir un permis de séjour pour le boulot, c'est une autre paire de manches. Évidemment, toutes les places d'employés de maison, de femme de chambre et de cuisinière sont proposées du côté de Neuilly ou dans le 16e arrondissement. Faustine répond à toutes les requêtes, se rend à de multiples entretiens. Partout, on lui oppose que sans référence, diplôme, mais surtout sans permis de travail, il n'est pas question de l'engager. C'est incroyable quand même, tous ces gens-là se plaignent du manque de domestiques, mais personne ne propose de faire les démarches pour l'indispensable sésame. Alors que franchement, ce n'est pas grand-chose. c'est le serpent qui se mord la queue. Faustine se raisonne. D'un côté, c'est bien dommage, mais de l'autre, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Quand elle constate à quel genre de snob méprisant elle aurait eu affaire, elle a moins de regrets. Fin septembre, Faustine n'a toujours rien trouvé sur le marché de l'emploi et financièrement, Maxime s'essouffle. Après en avoir discuté, ils admettent que la seule solution envisageable est que Faustine retourne quelques semaines à Grasse aider sa mère. Elle reviendra les poches pleines bien avant Noël. Pendant ce temps, Maxime tentera de trouver un maximum de contrats musicaux, tout en cherchant un logement plus sympa. Résignée, Faustine prend son billet de train. Au téléphone, papa et maman étaient ravis, tu penses? Mais ils peuvent toujours espérer, leur fille ne restera pas une minute de plus que nécessaire.